J'ai trouvé l'âme du bonheur, l'amitié sous abri. Comme il était si juste à mon esprit. J'ai trouvé dans un cœur le génie de certains hommes assagis. Les peines recueillies et tout ce qui clarifie. J'ai trouvé sous garantie un ami. Parier de ce que l'on ressent, de ce qui nous effraie. Parler même quand on n'a plus d'intérêt. S'élever en déchirant la solitude infâme et secondaire. Désormais une oreille parfumée de conseils. Avoir un ami, je préfère. Je suis bien avec toi, toi qui accompagnes. Je suis bien.